la sous-préfecture, fête la sous-préfète. Sous le lustre à facettes, il pleut des orangeades et des champagnes tièdes, et les propos glacés des femelles maussades de fonctionnarisées. Je suis un soir d'été. Aux fenêtres ouvertes, les dîneurs familiaux repoussent leurs assiettes et disent qu'il fait chaud. Les hommes lancent des rots de chevaliers de thon. Les nappes tombent en miettes par-dessus les balcons. Je suis un soir d'été. Aux terrasses brouillées, quelques buveurs humides parlent de haridelles et de vieilles perfides. C'est l'heure où les bretelles soutiennent le présent des passants répandus et des alcoolisants. Je suis un soir d'été. De lourdes amoureuses aux odeurs de cuisine promènent leur poitrine sur les flancs de la Meuse. Il leur manque un soldat pour que l'été ripaille et monte vaille que vaille jusqu'en haut de leur bar. Je suis un soir. Aux fontaines, les vieux, bardés de références, rebroussent leur enfance à petits pas pluvieux. Ils rident toute une dent pour croquer le silence autour des filles qui dansent à la mort d'un printemps. Un soir d'été. La chaleur se vertèbre, il fleuve des ivresses. L'été a ses grands messes et la nuit les célèbre. La ville aux quatre vents clignote le remords. Inutile et passant de n'être pas un port. Je suis un soir d'été. Thank you.